les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Petit à petit, on est dans le bleu, en haut, en bas, à côté, même intensité, une ambiance vaporeuse, dit-on, feutrée, et puis des brumes de montagne, un peu cotonneuses. Et à d'autres moments, l'eau est très claire, une épave apparaît, posée sur le sable, comme un ciel par mistral. Où sommes-nous donc? Alors, il y a du bleu, il y a donc comme une brume des montagnes, de l'eau, du sable, un ciel, le mistral, alors aussi des amphores, et un objet conservé dans l'eau depuis 2000 ans, parfaitement conservé. Ensuite, lorsque cet objet est porté hors de la mer, ça se complique, cela s'effrite, se ruine, très vite. Des amphores, oui, avec des olives noires et du vin. Enfin, nous avons des informations très précieuses grâce au fisc romain. Les calanques, les débris trouvés au fond de la mer, la survivance d'une tradition, surveiller les rats contre la peste. Sortons de l'eau, nous sommes à Marseille. C'était au tout début 1996 dans les Nuits Magnétiques présentées par Colette Fédouze, une émission de Christine Delorme. Marseille, la cité mise à nu. Nuit magnétique, nouvelle année, nouveau générique. Bonsoir et bonne année à tous. C'est sur cette mélodie que s'ouvriront désormais nos nuits magnétiques. Une mélodie nomade, de musiciens voyageurs Aldo Romano, Louis Clavis et Henri Texier, peuplée aussi de toutes sortes d'apparitions et de sons choisis par Gilles Pézra et par toute notre équipe. Une mélodie où se cachent images, danses, tumultes et croisements contemporains, avec, dans le fond, toujours, le fil d'une passion têtue qui se déroule et qui traverse les routes et les pays sous nos yeux. Une certaine idée de la passion plutôt, ou encore un combat permanent pour la sauver et pour la garder intacte. Mélodie voyageuse donc, moitié ombre, moitié lumière, avec des gerbes de tournesol et d'iris noirs pour saluer le battement du monde, avec aussi régulièrement tous ces trains qui viennent glisser sur l'image en portant des brassées de destin au rythme de sonneries, fax, répondeurs, caméras et internet en tout genre, respirant presque en chœur. Avec un air aussi de rumba ou de mambo peut-être, qu'on devine comme échappé d'une fenêtre. Une porte s'ouvre, la lampe est posée à même le sol, et tout au bout, un amour se dévoile, caché qu'il était dans la trame des secondes. C'est le mot voyage en fait qui palpite et qu'on devine encore sous chaque syllabe, dans le drapé même d'une voix ou dans le tremblement du vent. Dans la mémoire d'un regard, un vallon ou une dune attrapée du bout des yeux à l'autre bout du monde, ou encore à l'intérieur d'une chambre d'été, quand tout se met à chuchoter et à rire en cachette. Toute cette semaine, les nuits magnétiques sillonneront des territoires tout à fait différents. Vendredi, pour notre rendez-vous mensuel des petites ondes, c'est à San Francisco et à Los Angeles cette fois que nous vous proposerons de déambuler. Jeudi, ce sera dans l'intimité de trois jeunes femmes réunies par Jean Thibaudeau et Jacques Taroni et qui raconteront leur Kabylie natale. Demain, avec Joël Vernet, nous entrerons à tout petit pas dans l'ombre du château de Chambord. Et tout de suite, c'est une plongée dans le port de Marseille, un jour de grand vent, que Christine Delorme et Vincent Deck ont tenté de composer près de tous ceux qui ont passé leur vie à recueillir les 1000 morceaux égarés au fond de la mer. Nuit magnétique, Marseille, une cité mise à nu. je me suis demandé avec les filets. Mais vous n'avez pas beau temps aujourd'hui. Bonjour. On n'a pas beau temps. Mais c'est la tempête. Oui. Vous n'avez pas beau temps. Je ne sais pas si c'est là ou s'il y a un bar. Hello. Oui, il est là-bas. Ça va, ça va, bonjour. Voilà. Vous allez bien? Monsieur Scotto, mon cousin Germain, mon Scotto, petit-fils de Vincent Scotto. Oui, eh bien, c'est pas de la tarte, hein, petit. Allume, c'est pas de la tarte. Monsieur Scotto, ça fait rien. Vous êtes pas compositeur? Non, non. Il est pêcheur. Là, je vous regarde travailler, on dirait une composition aussi. Ah, oui, alors, je vous écoute. Je ne m'assois pas sur votre filet. Eh oui. Ah bon? Bon, ah assis. Non, attendez, je vais le casser. Assieds-vous sur le filet. Bon, d'accord. Voilà, du temps, quand tout est fini, le film, le filet. On est bien à l'air comme ça, quand tout. Oui, on est bien. Et puis ça fait un petit. Tiens, elle vous apporte quelque chose. Vous allez partir ou non, pas, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Non, il y a une tempête aujourd'hui. Allez, j'écoute. Allez, va-t'en, je vois ce qu'on a dit. Tu laisses, non. Tu mets de l'argent dedans. Non, j'habite pas loin, quand on part, je vais le chercher. Autrement, elle va m'emmerder toute la journée. Voilà, c'est tout dit. Ensuite. Mais le filet, là. Le c'est, filet. C'est cette nuit que vous êtes allé pêcher? Et non, c'est le filet à langouste, ça. Tenez un peu là. Ouais, ouais, tenez là, ici, là. Voilà, tiens pour le coup. Parce alors que là, j'avais jamais vu. Je savais pas qu'il y a des filets pour les différents poissons. Ah oui, oui. Attends, il y en a encore là. Un, trois pieds. Pardi. Alors, nous avons des filets pour les langoustes là. Des filets pour les petits thons là-bas. Et les filets pour les dorades, ils sont par là-bas. En, ah, mono, oui. En monofil. Il n'y a rien de pareil. Ah, quoi? Mais pour les langoustes, c'est, ils sont, ça, ce sont c'est, les filets, c'est des grands trous, c'est ça? Oui, c'est des grandes mailles, vous voyez? C'est des grandes mailles. Ouais, ouais. Ouais, c'est les filets exprès pour les langoustes, ça. On est calé dans des rochers, au fond, à 100 mètres de profondeur. Il faut connaître. 100 mètres? Oui, 100 mètres, 110 mètres, ça dépend des endroits. 80, on connaît tous les deux, on connaît assez le fond de la mer. Il y a des rochers entre le phare de Planié, les Goudes et Marseille. Il y a plein de petits blocs de rochers. Au fond, à 60 mètres, 70, 80 mètres. Il faut les connaître. Mais oui, c'est pour ça que je me demande les. Mais nous, on les connaît de deux générations. J'ai un manuscrit qui date de 110 ans à la maison. Ou de 150 ans. Et je le lis. Je me copie le, grosso modo les repères. Par exemple, il y a les repères. Il faut repérer de terre, repérer à gauche et repérer à droite pour tomber sur le point culminant. Et avec le sondeur, nous avons un appareil. On voit la hauteur des roches comme elles sont placées. Voilà. Et nous calons nos filets à langoustes autour du rocher. Alors, pour que le filet tombe, il faut d'abord savoir le courant, s'il est vif, parce que je le cale sur votre front, comme ça. S'il est vif qui vient de ce côté, il me fait tomber ici. Et s'il est vif de ce côté, le courant, il me fait tomber là. Il faut que je calcule à peu près pour qu'il tombe entre ou dessus. Avec le sondeur. C'est un énorme et puis, travail de précision. Ça. Oh là là, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup. Ici, il n'y en a qu'un qui le pratique au Vallon des Offres, c'est Bernard Gondona et nous. Et ça, c'est votre grand-père? C'est mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui quand ils sont venus d'Italie, parce que nous sommes de souche génoise, ils avaient écrit ça. J'ai un beau manuscrit à la maison. Ouh là là! Mais eux, ils ne les connaissaient pas, les et non, et eux, alors, avec... avec des palangres, des ficelles comme ça, avec des hameçons, Il calait et hop, il regardait, il disait, tiens, là, il y a une roche. Il continuait, hop, là, il y en a une autre. Ah, et puis après, eh oui, dites, oh, quand même. Et après, il se faisait une petite carte, comme ça. Après, il s'est fait un petit livre. Puis après, ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent pour les arrières, pour les petits-enfants, pour les autres qui suivront. Et moi, je l'ai, là. Mais ça n'a pas de prix, ça. Hein. Ah, ça n'a pas de prix parce que ce que je connais, moi, lui, il ne le connaît pas. Et vous ne lui avez pas expliqué à lui ? Je ne lui dis pas. Ah non ? Et non. Il n'y a que pour vous ? À qui je vais les donner mes secrets ? Un pêcheur ? Ah bon, ça ne se transmet pas ? Non, moi, je ne donne pas mes secrets. Même à vos enfants ? Même mes enfants, c'est une fille qui est à Rouen, là-bas, à Évreux, dans la pluie, dans la boue. Dans le froid, donc elle n'ira jamais à la mer. Et mon fils, il est employé municipal, comment c'est à la municipalité. Voilà. Alors lui, c'est de, pas. De Marseille. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Alors c'est perdu. Alors c'est perdu. C'est perdu. Voilà, moi je pourrais la pêcher avec vous. Je le mets avec moi dans mon petit bateau quand je me réveillerai, je regarderai, je lirai. je vois le rigole. Vous emmenez tout avec vous. Hein? Écoutez. C'est vrai que c'est un secret professionnel. Passe Coteau. Coteau, c'est un travail, hein. C'est une. Moi, ça, nous autres, ça nous plaît à tous les deux. Lui aussi, ça lui plaît ? Ça lui plaît ? Ah oui, comme il a 60 ans de mer, lui aussi. Ah, mais alors, il y a deux doyens à Marseille. Et oui, ça, oui. Vous aussi, vous êtes le doyen ? Ah non, non, non, moi, je suis jeune, moi, je ne suis pas doyen. Oh, oh. Il est jeune, 64 ans, il y en a qui sont plus vieux que moi. Voilà, alors il fait pas. Et voilà. Mais alors, c'est comme ça que vous étiez tombé sur les épaves, c'est en mettant votre filet ou... Alors, sur les épaves, je savais qu'elles y sont quand même. Je sais qu'elles y sont, les épaves. Et je ne vais pas m'envoyer les filets dans les épaves. Si je cale ces filets dans le bateau que je vous ai dit au large de Rio, le Natal, je ne les tire plus. Ils sont perdus. Parce qu'il y a des. Les porte-manteaux des bateaux de sauvetage, il y a des crochets, c'est de la ferraille. Donc, vous les perdez. Et si vous perdez un filet comme ça, ils vont 1000 balles. Un, et nous en avons 20. Comment ça s'était passé avec le Natal quand tu... Ben, j'ai coupé. Mais ça s'était passé comment c'était... Ben, le Natal devait porter une somme d'argent que la France devait au Japon. Bon, il a été torpillé, le Natal. Il a été torpillé au large de Rio. Il a été chargé de vaches et de militaires. Et pendant des mois et des mois, pendant la guerre de 14, il sortait toujours des cadavres de ce bateau. Et il a été torpillé parce qu'il avait des lingots d'or dans les cales. Et on devait... Moi, j'étais embauché pour mener avec mon chalutier sur l'endroit... de façon qu'on puisse travailler, mais il y en avait pour 2 ans de travail, ou peut-être, je ne sais pas pour combien, parce qu'il est à 120 mètres de profondeur, le Natal. Et puis on a reçu les ordres, pas moi, les personnes qui devaient faire les travaux, de Monte Carlo, de ne pas toucher l'épave par la Lloyd. C'est pour ça que le Natal, il est resté toujours dans son secret. On ne sait pas s'il y avait l'or à bord, ou s'il n'y était pas. Voilà, ça c'est le Natal. Par contre, il est pourri, pourri de poissons, de langoustes, de congres, de toutes sortes de poissons. Une descente sur un site de... Déjà, la plongée, elle s'organise sur le bateau. Hein. On connaît le site. On connaît le relief. On imagine un petit peu le fond de la mer comme si on était dans un vallon en haute montagne, où on connaît chaque bastide, chaque cours d'eau, chaque aspérité du terrain, qu'on a l'habitude de plonger sur des sites. On joue un petit peu avec le relief, on fait des balades sous-marines. Donc ça, on le définit déjà à bord. On va se dire, on va passer dans tel trou, on va essayer de descendre à telle profondeur, suivant les niveaux aussi des plongeurs. Et puis, on va essayer aussi de repérer des animaux qu'on connaît. Les congres, ils sont toujours au même endroit. Hein, les murènes, c'est pareil, elles sont toujours au même endroit. Ou les mérous. Hein, souvent, les mérous, ils prennent des grands trous avec plusieurs sorties pour que quand ils se sentent agressés dans l'entrée principale de leur caverne, si on peut dire, ils aient des moyens de s'échapper comme des souterrains. Donc vous avez des repères sous l'eau. C'est pas un monde qui vous est... Ces repères, ils tiennent. Ces repères tiennent. Après, ils varient en fonction de la visibilité, des particules qu'il peut y avoir dans l'eau, du sable qui est en suspension dans l'eau. Ça peut varier aussi avec le soleil, suivant si c'est le matin ou l'après-midi. L'ambiance n'est pas du tout la même dans l'eau. Hein. Notre champ visuel est restreint. Donc c'est vrai que même si on connaît le site, on le connaît mentalement. On fonctionne par tâche. Hein. On fait quelques coups de palme, cet endroit-là, on le connaît. Et puis on voit pas plus loin. Hein, et puis on fait d'autres coups de palme et puis on regarde en arrière, on n'a plus nos traces. Hein. Alors quand on descend dans le bleu par exemple, c'est-à-dire en pleine eau, où on ne part pas de la roche ou du bord de mer, qu'on descend au mouillage. Le mouillage, c'est la corde qui nous relie qui relie le bateau au sol, au fond de la mer. Donc quand on descend en pleine eau, on perd la luminosité du soleil, on ne voit plus les rides de l'eau à la surface. Et petit à petit, on est vraiment dans le bleu. Hein. C'est-à-dire que qu'on regarde à droite, à gauche, en haut ou en bas, il y a la même intensité quasiment partout. Et puis petit à petit, quand on commence à s'approcher du sol, il y a une brume qui tapisse à quelques mètres du sol. Et ça crée une ambiance un peu vaporeuse de brume de montagne. Et là, quand on a la chance de tomber sur une épave, des fois, il y a les mâts ou des morceaux de métal ressurgissent un petit peu de cette brume. Et on pénètre, guidé par ces morceaux d'acier, sur l'épave elle-même. Et donc là, le champ de vision est beaucoup plus réduit et on évolue dans ce brouillard. Il faut après se rapprocher énormément de la matière et pour visiter l'épave. Et on est dans une ambiance feutrée, un peu cotonneuse. Et là, c'est très agréable. Maintenant, il y a d'autres moments où le fond de la mer est très très clair et on voit l'épave apparaître dans son intégralité, posée sur le sable, et comme un ciel par Mistral, quoi. Il y en a un autre devant Montjou qui a coulé. C'était un ancien yacht que les Allemands ils avaient réquisitionné. Ils avaient un canon à l'avant, un canon à l'arrière. En mitraillant le remorqueur, ils ont mitraillé le bateau allemand. Et il a coulé lui aussi. Voilà, j'ai encore attrapé le filet là. J'ai perdu le filet. Mais alors qu'est-ce qu'il y avait dans le filet Je ne sais pas, ils sont toujours. Vous ne touchez pas le filet. Oh là là. L'espace coteau. Il était avec vous, ce coteau? Ah non. Moi, je faisais le chalutier. Moi, je fais le chalutier, c'est l'art traînant. Et le filet en raclant, il ouvre quand même le filet. Il ouvre une bouche, comme d'ici, au grillage, là. Là où il y a le panier en fer, là. Et ce qui se trouve au fond, parce qu'on chaîne exprès pour que ça racle, pour les poissons. Et ils ont rentré dedans. Et voilà, c'est pour ça que je vais encore. J'en ai attrapé deux ou trois ensemble. Elle devait être tombée comme ça. L'autre, elle est belle aussi, là. Celle que j'ai là. Ah oui, elle est très belle. Ah ben oui. Mais celle-là, alors, moi, je ne connais pas l'histoire. Alors, ah oui. C'est quoi l'histoire? Y a pas de... Ah, je ne connais pas, moi. Vous n'allez pas vous imaginer que je vais la donner. Je la garde pour moi. À l'état, ils vont se brosser. Hein. D'abord, il faut les rendre, moi, enfin bref. Il y en a une pour ma fille et une pour mon fils. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la ronde? Il n'y avait rien. Je vais vous dire une bêtise, il y avait peut-être un peu du pastis de Ricard. Il n'y avait rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Et que dirais-je hier des débris d'amphores accumulés dans la tour carrée du vieux fort Saint-Jean? Une vieille bâtisse. Il y a un mur qui s'est effondré. Bah, avant-hier. Luc Long, archéologue au milieu de ces amphores. On sait très bien aujourd'hui, nous, les archéologues, les scientifiques, qu'un objet qui est conservé dans l'eau depuis 2000 ans, ou un peu moins en tout cas, est en parfait état de stabilité. Et que c'est dès le moment où on va le retirer de l'eau, si on ne prend pas soin de le mettre dans des bassins particuliers, d'en prendre et de le traiter, que là, il risque en effet de s'abîmer. Donc porté hors des atteintes de la mer, en soi, pour un scientifique... En fait, la mer, c'est elle qui conserve. C'est elle qui conserve, puisque les objets ont été congressionnés dans l'eau, mais ils sont relativement stables. Et dès qu'on va remonter un canon, si on ne prend pas soin donc, de le traiter, dans les 6 mois qui suivent, l'objet va s'effriter et va se ruiner très très vite. Et bon, si vous prenez cet amphore ici, c'est une amphore qui représente un récipient massif, assez solide, et qui est issu d'une longue tradition d'amphores qui commence en Gaule au moins au 6e siècle. En tout cas, elles sont importées par les Étrusques, et puis par les Grecs, et puis fabriquées par les Marseillais. Au départ, ces récipients sont petits, trapus, en forme de toupie. Vous voyez, c'est une amphore qui est relativement courte, en dessous de 70 cm, assez ronde, c'est vrai, parfois plus ou moins pointue, et qui va donner naissance, dans les 3 siècles qui suivent, à des récipients beaucoup plus massifs, beaucoup plus hauts, qui seront mieux taillés pour le commerce maritime, mais pour le commerce maritime à grande échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a très peu de traces du commerce phénicien au 7e et au 6e siècle avant Jésus-Christ. Les premières épaves sont celles d'origine étrusque, qui amènent des petits chargements d'amphores vinaires. Ensuite, quelques épaves grecques, avec également quelques amphores grecques de petit calibre. Les Marseillais vont fabriquer des amphores de même type, mais on n'en a pas beaucoup. Mais c'est essentiellement vers la fin du 3e siècle, avant Jésus-Christ, et pendant ensuite tout le second et tout le premier avant Jésus-Christ, toujours, qu'on va avoir affaire en Méditerranée française, le long des côtes du littoral gaulois, à énormément d'épaves qui viennent d'Italie centro-méridionale. Et là, en effet, les commerçants romains se sont rendus compte qu'il y avait un marché potentiel en Gaule incroyable. Et il va se passer un boom économique terrible, puisque les Gaulois, qui buvaient le plus souvent de la cervoise, enfin une sorte de bière, vont se mettre à aimer le vin. Et aujourd'hui, les 2/3, je dirais, des épaves antiques sont constituées de ces chargements d'amphores vinaires à destination de la Gaule. En fait, l'amphore, c'est le conteneur principal du transport dans l'Antiquité. Hein, ensuite, c'est les sacs, c'est les tonneaux qui vont la remplacer. Mais c'est vrai que l'emballage en terre cuite était vraiment la panacée pour transporter par mer des tas de produits généralement liquides qui nécessitaient d'être conditionnés dans du matériel étanche, en fait. Et celles qui sont là-bas, elles sont encore... c'est une autre forme beaucoup plus allongée? Bon, là, en réalité, on a affaire à une sorte de... à une amphore qui a une forme de saucisse qui est complètement cylindrique, qui est typique et qui parfois donne naissance à des conteneurs très très volumineux, à tel point que pour les tombes, les inhumations relativement pauvres, le plus souvent d'enfants d'ailleurs, les gens utilisaient ces amphores qu'ils ouvraient. Alors ils taillaient à l'intérieur de la panse une sorte de trappe à l'aide de laquelle ils allaient pouvoir déposer le corps du défunt dans l'amphore elle-même. Mais c'est au départ un conteneur maritime. Et puis, une fois arrivé à bon port, si j'ose dire, alors c'est pas toujours le cas, heureusement pour les archéologues, sous-marins en tout cas, mais une fois arrivé à bon port, eh bien ces amphores, soit comme à Rome et dans bien d'autres zones, étaient cassées et empilées, une fois qu'on avait vidé leur contenu, Alors ça a constitué à Rome une colline, hein, le Monte Testaccio, qui est constitué, qui est fabriqué de milliers et de milliers de fragments issus de centaines et de centaines de milliers d'amphores qui sont arrivés à toutes les époques au port de Rome donc. Et qui sont fouillés actuellement. Alors c'est là que justement Heinrich Dressel, le premier, a trouvé des signatures, des textes relativement courts qui ont été écrits, peints sur l'amphore, sur certaines amphores, olivas negras, donc olive noire, de defrutum, qui est un vin cuit, amineum, qui est un type de vin aussi, avec les noms des gens qui dirigeaient le domaine et des fonctionnaires qui ont, pour, de ce domaine, qui ont fermé l'amphore et qui l'ont pesé. On a exactement, on a aussi le poids du conteneur avant et après qu'il ait été rempli. Donc, une véritable. En fait, c'était une sorte de contrôle. Ah, mais l'État romain avait, le fisc romain exerçait un contrôle très, très, très strict sur tout ce qui traversait la Méditerranée, en fait. Et c'est pour cela qu'on a ce type d'indication très très précieuse pour les archéologues, puisque c'est une véritable carte d'identité de l'objet. Mais tout ça, en fait, pour dire que donc, ces containers étaient fabriqués spécifiquement pour le transport des denrées à travers la Méditerranée. La Méditerranée, en fait, va s'inscrire au centre de l'Empire romain. C'est le véritable poumon de l'Empire. Et tout ce qui doit être transporté, tout ce qui doit aller d'un point à un autre, le plus souvent passe par mer, parce que c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher que le transport par charrette. Et puis, en fait, on ne peut pas mettre donc autant d'amphores sur une charrette que dans la cale d'un bateau, ça c'est évident. Toute l'année à la mer et qu'il y a du brouillard et qu'il y a du vent, on se retrouve souvent dans des situations dangereuses en fait, ou imprévues. Et comme par temps de brouillard, on entend que les cornes de brume, et puis de temps en temps on entend des chocs. Il y a des bateaux qui percutent. Hein, récemment là on a fait une sortie par brouillard. On s'est dit, mon Dieu, avec tout le monde qu'il y a, avec les grands bateaux qui vont jusqu'en Tunisie et en Corse, qui passent, qui sont énormes, et nous, nos tout petits bateaux qui passent à côté, bon, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de collisions que ça? Et une semaine après, je vais au chantier naval, et puis je vois un bateau qui était complètement découpé en deux, et en fait, par cette journée-là, partant de brouillard, il avait percuté une digue. Donc moi, quand je vois des épaves comme ça au fond de l'eau, je me dis là, c'est par temps de brouillard, la personne elle devait peut-être mouiller juste à côté de la digue. Et puis quand elle a remonté son mouillage, elle n'a pas fait attention où elle était, où elle a perdu le sens de l'orientation. Et avec un petit peu de mer, elle a dû frapper dans les rochers et s'est écrasée au fond. C'est quoi cette machine? Cette machine, c'est un caisson de recompression. Faites voir. Je vais vous éclairer. Nous sommes au Faro, dans l'ancienne maison du gardien de phare. Du fond d'un drôle de cylindre métallique nous parle Serge Rimenes. C'est-à-dire, vous pouvez venir nous expliquer exactement. Vous pouvez venir là? C'est un caisson de recompression. De recompression. Oui. Systématiquement, les plongeurs, là, quand ils débarquent de leur bateau... Ah non, non. Ah non. On les passe au caisson que s'ils font un accident de décompression. Ah oui, on les passe au caisson, c'est l'excuse. S'ils remontent trop vite, par exemple après une plongée, s'ils remontent trop vite à cause d'un incident quelconque, et que, bon, soit le mauvais temps, soit il y a eu un problème et qu'ils sont obligés de remonter un petit peu en catastrophe, sans respecter leur vitesse de remontée, et, par palier, c'est ça ? Et sans faire de palier, à ce moment-là, arriver ici, on peut les traiter. Alors, on les recomprime. Quand, Quand vous avez plongé, vous, sur l'épave de... qui contenait les tuiles... Non, nous n'avons pas les moyens de... Vous n'étiez pas dans un caisson... Ça coûte plusieurs millions... Ah oui, c'est ça. Donc quand vous avez plongé sur cette épave-là antique... Sur cette épave antique, nous plongeons en libre. En plongée bouteille, mais sans matériel, sans caisson, sans tourelle. C'est-à-dire que c'est quand vous découvrez cette épave-là... Oui. Moi, si j'imaginais, je plonge, il y a plusieurs indices. Qu'est-ce que je vais aller voir, hein, il y a plusieurs indices qui vont vous signaler une épave récente d'une épave antique. C'est déjà le mode d'assemblage des planches de bordée. Planche de bordée, c'est le fond du bateau. Jusqu'au 5e, 6e siècle, les bateaux étaient à franc-bord. Ça veut dire... C'était bord à bord, les planches bord à bord. Et pour assembler ces planches, il y avait des mortaises. On y mettait des languettes, qu'on appelait des tenons. Et c'était chevillé. Donc l'ensemble de cette mortaise, ce tenant et cette cheville, on appelle ça une clé. Alors jusqu'au 6e siècle, pour les bateaux antiques, nous avons ce référentiel. Il y avait aussi des bateaux qui étaient construits à clin, mais très peu. À clin? Oui. C'est-à-dire, la coque, les planches se superposaient. Un petit peu comme les bateaux vikings, vous voyez. Donc là, il y a aussi... Ou alors, il y avait des bateaux antiques qui étaient cousus. Bord à bord et cousus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme repère? Les repères, mais il y a le chargement déjà. Les céramiques, les poteries, les amphores, tout le matériel qui pouvait avoir la cargaison peut donner des renseignements. Autrement, lorsqu'on construisait un bateau, au moment de la mise à l'eau, à l'heure actuelle, soit on met une plaque signalétique du bateau et on casse une bouteille de champagne, à l'époque, lorsqu'il fabriquait un bateau et il le mettait à l'eau, il mettait une pièce de monnaie de l'empereur de l'époque. Attention à la tête. Hein. Mon beau-frère. Ah bon? Ouais. Il peut venir, hein? Non, non, je veux pas qu'il vienne. Ah bon? Pourquoi vous voulez pas qu'il vienne? Parce qu'il est laid. Oh. Je veux pas. Il n'a pas l'air. Il viendra pas. Pardon? Ils sont dégustés pour aller tirer le filet à... Ah. Là, le souffle. Ah, pour... Où? Ah, où il est là? Ah, pas là, au souffle. Approche, à la voie. Approche. Approche. Oh. Coco. Où ils sont, le petit, où il est? Alors, ils ont été tirés des filets, mon neveu. Des filets à bonite, là. Derrière le frioul, il dit que c'était beaucoup... Laisse-la là. Il dit que c'était beaucoup mauvais temps. Ils ont souffert pour tirer. Ils ne se mettent pas à cette nuit, là? Si c'est qu'ils étaient à nous, le fanat du village. Monsieur, madame, bonjour. C'est le fada du village, ça. C'est le plus couillon, lui. C'est Hilario, patron pêcheur. Où il va encore? Fais pas du bruit, comme un tiers d'eau. Coupe les têtes, hein. Coupe. Voilà. Qu'est-ce qu'il prépare, là? Il prépare pour moi, comme ça je mets le filet comme ça, avec les pointes, vous voyez? Les pointes, là. Voilà. Oui, on met la bâche dessus, quoi. Mais où tu étais que tu n'étais pas là? Ici. À la plaine, il était. À la plaine? Oui, le marché. Ah. C'est quoi, c'est le marché aux poissons? Non, aux fleurs. Aux fleurs? Oui. Il n'y a pas de marché aux poissons. Le marché aux poissons est au port. Nous, au vieux port, au quai de Rive-Neuve, nous sommes 60 bateaux où nous vendons notre produit. En principe, nous vendons toujours notre produit. À part un ou deux délinquants, il y en a toujours qui sont plus fins que les autres. Bon. Et aujourd'hui, il n'y en a point. Aujourd'hui, il n'y a personne de ces Mauritains. Il y a comme un neveu, son fils. Mais apparemment, il a souffert, alors cette nuit, c'est ça? Ouh, il vient de le dire, il a dit qu'il a souffert. Et il ne peut pas rentrer au ballon de la tempête qu'il y a. Il force 8 à 9, là, le vent. Alors, au moment qu'il le laisse au vieux port, le bateau, il monte avec la voiture. Voilà. Au vieux port, on embarque. L'île du Frioul. Sur le versant nord de l'île, l'hôpital Caroline, où l'on soignait le typhus. Sur le quai, stationne l'appâtage des gardes-côtes. L'ancienne île de quarantaine est toujours une frontière. Nous attend le douanier Sicoli, qui, à force d'observer le présent, revoit le passé. La règle, ce qui m'intéresse, c'est donc le parallèle entre la réglementation, qui date de 100 ans ou 200 ans ou plus, et ce qui se passe actuellement. Ça a un peu changé parce qu'il y a eu une continuation. Les bateaux, Marseille a toujours été relié aux échelles du Levant. Les échelles, ce sont les escales. Et c'est des foyers permanents de contagion. Donc, ils étaient munis de tous les bateaux, ils étaient munis de documents. Ils devaient faire viser dans les consulats de France de toute la Méditerranée, y compris donc dans les consulats du Levant. Il y avait des annotations sur la marchandise, mais il y avait de la réglementation sur la santé. Pour ce qui concerne Marseille, donc à l'arrivée à Marseille, tous les bateaux étaient tenus d'entrer à l'anse de Pomègue, de Saint-Marais. Ils n'étaient autorisés à entrer dans le port de Marseille, dans la zone actuelle du port, que si les patentes étaient franchies, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de maladie déclarée à bord. C'était la règle permanente et impérative. La peste à Marseille a démarré en 1720. C'est le Grand Saint-Antoine, c'était un bateau de commerce qui s'appelait le Grand Saint-Antoine, qui a porté la peste en 1720. Ce n'était pas la première, ça a été la dernière, je crois. Le Grand Saint-Antoine, donc, qui portait de marchandises assez précieuses, des soieries, il venait de Saïde, qu'on appelle maintenant Saïda, qui est au Liban. Je crois qu'il avait fait escale à Chypre et il y avait déjà des malades à bord. Et la cargaison appartenait pour la plus grosse part à Jean-Baptiste Estelle, qui était à ce moment la maire de Marseille, un des premiers échevins. Et donc ça posait un problème, comme vous comprenez, d'énormes pertes d'argent. Alors ils ont... tout au moins en façade, obtenu des lettres qui oubliaient la présence de malades à bord depuis le départ. Donc le bateau est entré, comme d'habitude, à l'anse de Pomègue, comme tous les bateaux où il n'y avait pas de maladie à bord. Les formalités ont été faites, peut-être un peu légèrement. Et puis, évidemment, comme il y avait la maladie à bord, ça s'est déclaré petit à petit. Voilà... rapidement, et je ne suis pas historien, il hein. ne faut pas non, prendre tout. Douanier. Je suis douanier maritime. Alors qu'est-ce qui n'a pas changé? Alors, en fait, ça n'a pas changé parce que les maladies infectieuses comme ça sont toujours surveillées par voie maritime. Il y a un service qui s'appelle le contrôle sanitaire aux frontières qui dépend du ministère de la Santé, de la DAS. Et c'est la douane qui fait ce boulot d'aller rechercher les crottes de rats sur les bateaux. Pour voir si... Les douaniers aujourd'hui surveillent aussi, ils vont voir les crottes de rats. Oui, parce qu'il y a, c'est pas un secret professionnel, chaque bateau de commerce est tenu d'avoir à bord un certificat de dératisation. On vérifie qu'il n'y a pas trop de rats en proportion anormale et chaque autorité dans chaque port du monde entier délivre au bateau qui le demande à la date butoir des 6 mois de renouvellement, délivre un certificat d'exemption de la dératisation. Et c'est une convention internationale et c'est toujours pour se prémunir contre la peste, le choléra, la fièvre jaune et le paludisme. Rien n'a changé depuis 200 ans ou 600 ans. Le rat, lui, il n'attrape pas la peste, il la véhicule. C'est-à-dire il a une puce qui lui appartient, et c'est cette puce qui, en sautant sur l'homme, lui transmet la peste. Et le rat, lui, il est préservé de cette maladie. Il sert simplement de vecteur. Et alors, vous connaissez bien l'histoire de ce bateau qui était entré à Marseille et qui avait amené la peste, qui s'appelle le vaisseau Saint-Antoine. Le grand Saint-Antoine. Ah, c'est le grand Saint-Antoine. Oui. Mais c'était un vaisseau marchand qui venait d'Orient, venait de Syrie, de Libye et de Syrie. Et on pense qu'il a transporté le bacille avec les rats, bien sûr, dans la cargaison d'étoffes qui était destinée à des grands négociants de Marseille. Et que le drame s'est produit parce que les propriétaires de la cargaison n'ont pas voulu perdre le bénéfice de cette cargaison. Si on l'avait mise en quarantaine complètement et si on l'avait brûlée, sans doute ne se serait-il rien produit. Or, il s'est trouvé que le bateau a été bien mis en quarantaine, mais par esprit de lucre, pour pouvoir faire leur bénéfice, on a sorti des étoffes de la quarantaine. Donc c'est à partir de là que l'épidémie s'est répandue dans la ville. Un bateau qui faisait à peu près 35 mètres de long, qu'on appelle une flûte. Et la quille n'était pas très importante. Alors, lorsque il n'était pas plein à ras-bord de marchandises, on le lestait. Et en général, toujours par esprit d'économie, par esprit de rentabilité, au lieu de le lester avec n'importe quoi, c'est-à-dire, je ne sais pas, on aurait pu mettre des gueuses de fonte ou des boulets ou ce que vous voulez, on en profitait pour transporter une marchandise qui servait de lest. Et le grand Saint-Antoine avait embarqué, toujours en Orient, 500 sacs de cendre. Pourquoi de la cendre? Parce que bon, ça faisait un bon lest, hein, 500 sacs. Et ensuite, la cendre était récupérée par les savonniers de Marseille pour fabriquer du savon. Donc ça faisait double emploi. Ça servait à stabiliser le bateau et en même temps, en arrivant, on pouvait le vendre comme une marchandise. Et c'est grâce à cela, d'ailleurs, qu'on a pu repérer l'épave du Grand Saint-Antoine et qu'on a su que c'était elle. Parce que lorsque les plongeurs l'ont repérée, bon, évidemment, elle était enfoncée dans le sable et on n'en voyait pas grand-chose. Il y avait juste quelques membrures ils l'ont repérée au pied de l'île de Jarre. Et ça, on savait qu'elle était là ou qu'elle devait s'y trouver parce qu'il y a un texte de l'époque de la peste, qui dit que le bateau a été tiré jusqu'au port de l'île de Jarre, qui est une île de la rade marseillaise, et qu'il y a été brûlé. Donc on savait qu'il avait été brûlé, mais jamais personne ne l'avait retrouvé, du moins, parce que cette découverte est très récente, puisqu'elle est de 1978. Donc ça veut dire que pendant deux siècles, on n'a pas cherché à retrouver cette épave. Mais on comprend pourquoi, parce que au fond, c'était le symbole même du mal qui avait ravagé la ville. Alors à quoi bon aller se replonger dessus? Il faut que notre époque, avec le recul, pour que des plongeurs et des archéologues aient envie de retrouver ce bateau. Mais je suppose que pendant des centaines et centaines d'années, il y a eu un tel traumatisme dans la ville que pourquoi on serait allé le rechercher? Et donc, pour revenir à notre propos initial, c'est parce que justement les plongeurs ont trouvé des traces des sacs qui servaient de lest. On s'est dit, mais c'est bien lui, puisque voilà la preuve, puisqu'on savait que ces sacs avaient été embarqués, puisqu'ils sont là, c'est donc bien l'épave du vaisseau maudit. Et de cette épave, qu'est-ce qu'il en restait? Il en reste plus grand-chose, si vous voulez, parce qu'il y a même 200 ans sous la mer, avec les courants, avec tout ce que... Le bois, quand même, est putrescible. Il en reste, si vous voulez, un peu comme ce qui reste d'un poisson quand on a mangé la chair. C'est-à-dire, il en reste les épines et la colonne vertébrale. C'est-à-dire, il en reste ce qui servait de quille, et il en reste ce qu'on appelle les membrures, qui sont comme les épines d'un poisson autour de sa colonne vertébrale. C'est sur ces membrures qu'on clouait ce qu'on appelle le bordé, c'est-à-dire la coque, ce que les gens appellent la coque. C'était là-dessus que les bois de la coque étaient cloués pour tenir en forme. interprétation presque religieuse de ce fait, ou comment? Ah ben, de toute façon, à l'époque, on ne connaissait absolument pas ni les modalités de l'épidémie, ni ses raisons. Donc, pour les gens du XVIIIe siècle, pour les Marseillais de 1720, comme, et pour ceux qui avaient la responsabilité de la ville, il est évident que c'était le doigt de Dieu qui frappait la ville. On n'a jamais pensé que des ballots de soieries ou de tissus venant d'Orient pouvaient amener un pareil désastre. Donc, c'était une punition, un peu comme Sodome, où d'ailleurs, Monseigneur de Belzunce, qui était à l'époque l'évêque de Marseille, a bien dit au début, c'était un janséniste, et il a bien dit, ben, vous avez dû quelque part commettre une faute majeure pour que la ville soit frappée comme ça. Et il y avait des processions, et il y avait, au lieu, on ne savait pas le soigner, on attendait la fin du désastre, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Tout ce que faisaient les chirurgiens, c'était d'inciser les bubons, et puis d'essayer de et puis ensuite le prêtre arrivait pour donner l'extrême onction, et c'était à peu près tout, quoi. Et puis on mettait les cadavres dans la chaux pour éviter que la ville se contamine un peu plus. D'ailleurs, à un moment donné, au paroxysme de l'épidémie, qu'est-ce qu'ont fait les Marseillais? Ils ont organisé une espèce d'énorme bûcher, c'est-à-dire on a brûlé tout ce qui pouvait se brûler, parce qu'on se disait, peut-être comme ça, on va assainir l'atmosphère, parce que ça doit être quelque chose qui vient du ciel, qui vient de l'éther, qui vient des nuées. Donc on a essayé, on a brûlé, imaginez toute une ville qui s'est mise à brûler, comme ça, on avait sorti les meubles, on avait sorti tout ce qui pouvait être combustible, et tout le monde a fait un feu, tous les survivants ont fait un feu, ça devait être un spectacle absolument dantesque. Et donc ça voulait bien dire que la panique était totale, on ne pouvait rien faire, et l'épidémie a duré quand même une bonne année. Puis elle s'est arrêtée, on ne sait pas pourquoi non plus. Vous avez l'habitude de plonger où? Alors, pour situer un peu, ça c'est Vieux-Port à Marseille. Oui. Vieux-Port à Marseille, les îles du Frioul. Actuellement, on est situé ici. Mmh. Ici. Je crois que les voyages étant là, on est situé ici. Mmh. Hein? Alors, au niveau des sites de plongée, oh, c'est. Les sites de plongée, bah, c'est tout autour des îles du Frioul, la partie sud. Cette partie-là, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'avantage étant sur une île, c'est qu'on a toujours une protection des vents dominants, c'est-à-dire le vent d'est et le mistral. Alors on a toujours, quand on a beaucoup de mistral, on a toute cette partie-là, toute la partie est de l'île. Il y a une lance qu'on appelle lance à pipe. Elle est appelée la calancopipe par la plupart des gens qui pratiquent la plongée sous-marine. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a c'était un port naturel qui servait aux quarantaines. Et effectivement, les marins fumant les pipes, et c'était des pipes en terre, et bon, les pipes étaient tellement fragiles que le fait de tomber sur le pont du bateau, ça les cassait, et donc après, ils n'avaient plus d'utilité, donc ils les jetaient à la mer. Étant donné qu'il y a énormément de marins qui passaient dans cette calanque, et depuis plusieurs centaines d'années, ben, il se fait qu'effectivement, il y avait beaucoup de pipes qui se trouvaient ensablées ou posées sur le fond, quoi. Et il y a des fouilles qui ont été faites par des organismes archéologiques, là. Et je sais pas, il parlait de 10 000 pipes qui ont été remontées. Dans ce port de quarantaine, port de Pomègue, les bateaux restaient en place pendant des dizaines de jours parfois, sur un espace assez restreint, pratiquement au bord à bord, puisque, je vous le répète, les équipages et les passagers étaient aussi contraints à rester, à observer ce temps de quarantaine. Donc le port de Pomègue est devenu lui-même une espèce de, c'est ma expression, de poubelle archéologique, dans la mesure où des bateaux ont séjourné pendant des laps de temps importants, et où, comme ont toujours fait les marins de tous les temps et de toutes les nations, lorsqu'on avait quelque chose qui gênait, on jetait par-dessus bord. Donc on a trouvé dans les vases de Pomègue des quantités de traces de la présence de ces gens en quarantaine, notamment de la vaisselle, des pipes, tout ce qui pouvait se casser, des choses qui passaient par-dessus bord. Quelquefois, on pouvait lâcher un objet sans l'avoir voulu. Alors, il y a des pots en étain, il y a des souliers usagés. On en a trouvé comme ça, mais des quantités incroyables, de quoi remplir un musée à Marseille, d'ailleurs, puisque les plongeurs qui ont fait ces poubelles, ben, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement, en ont ramené des trésors incroyables, même si c'est s'il n'y a pas de chef-d'œuvre, ni de sculpture, ni de céramique, il y a des objets usuels qui nous parlent de ce temps-là et qui ont aussi leur valeur affective. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des fêtes ou des événements qui commémorent la peste ? Oui, mais vous savez, il y a une forme tout à fait moderne du sacrifice, et il est très discret celui-là. Il existe à Marseille un laboratoire du rat où chaque jour, que Dieu fait, comme on aurait dit au XVIIIe siècle, on autopsie des rats pour voir quel est leur état de santé. Et c'est une vieille, je ne dis pas que c'est une vieille tradition, c'est une vieille habitude, et c'est une vieille précaution qui date justement du temps du fléau, c'est-à-dire à partir du moment où on a compris quel était le mécanisme de l'infection, on a surveillé les rats, puisque de l'état de santé des rats dépend l'état de santé de la population. Non, j'ai un coup de pompon à lui. Eh bien, c'est qu'ils ont pris 5 ou 6 billards. Ouais. Ils n'ont pas fait. Et où est le bateau ? Au port. Il reste au port ? Oui. Voilà. Ouais. Il n'y a pas des rochers, par exemple, vous savez que autour du Frio, là. Oui. Vous ne savez pas, par exemple, il n'y a pas des choses qui se transmettent comme ça, on raconte que les pêcheurs, là, ils sont morts ou des accidents, non. Chaque fois, c'est que chacun découvre un peu. Non, on ne découvre rien, c'est tout découvert. Il n'y a rien. C'est tout découvert. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait autour du Frioul ? Il y a deux petits au fond, un sur la pointe de Mange-Brigantin, ouais. Et l'autre où il est ? À Salomon ? À Salomon. Des rochers qui sont à fleur de l'eau. Mais ça, le bateau, tu dis, passe pas là, il tourne tout seul. 100 personnes à la barre. Et on est né là-dedans. Il n'y a que les plaisanciers pêcheurs qui ne connaissent pas. Paf, ouais. Casse le gouvernail. Voilà. Vous n'avez jamais d'accident. Qui ? Vous. Ah, bon. Ça arrive. Ouais. Quand on prend un filet dedans l'hélice, tu ne vous l'as pas dit, ça. Ah, tu n'avais pas besoin de... On cale les filets. Tu n'avais pas besoin de le dire, monsieur le vieil. On cale les filets. Un coup de vent. Il vous tourne un fort coup de vent si vous calez que c'est gros mauvais temps. Il vous tourne le bateau. Il vous tourne le bateau, hein. Tu avais joué Poséidon hier soir, alors. Ah ouais, le bateau est venu à la bière, là. Je vais chercher la peine à Thomas, il n'y a plus rien. Ah, vas-y, vas-y. Il se chavire, le Poséidon. Il se détourne parce qu'il y a une grosse vague de 15 mètres qui le couvre. Mais moi, j'ai oublié l'histoire du Poséidon, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Oh. C'est un bateau qui faisait son dernier voyage, comment tu appelles ça, avant d'aller à la ferraille. Et il y en a encore un à la ville, là, petit homme. Il y avait le directeur de la compagnie qui dit pousser les machines parce que... Alors le commandant ne voulait pas. C'est impossible. Alors vous ne l'avez pas vu. Non. Le commandant est le seul maître après Dieu. Même que le type, il y a le grand directeur de la compagnie, il n'a pas donné des ordres. C'est lui à prendre des décisions. Il n'y a personne qui peut le commander. Il est seul maître après Dieu. D'ailleurs, il marie et tout à bord des bateaux. Hein. C'est arrivé qu'il y a eu des mariages. Ah ouais? C'est le commandant qui marie. C'est le commandant qui marie? Ah, pardon. Je savais pas. Ah, il y a une possibilité, hein? Oh, quoi que c'est. Mer, comment dire, comme le commandant du France, jamais le président de la compagnie, comme c'était la Transat, elle n'a jamais dit à donner des ordres au commandant, hein, c'est pas vrai, hein. Voilà. Ils ont commandé le Normandie, ils ont commandé la France, ils ont tout compris. Vraiment, mais le meilleur commandant de la compagnie. Hein. Attends. C'est un bateau comme ça. Responsabilité. Hein. Attends, prends les jeans. Ils sont là. Celui-là, qu'est-ce qu'il a, cette partie-là? On dirait qu'il est. Il n'y a rien. Ah non? Non, il y a des chines, ils sont là-bas. Il y en a une là Après le Poséidon, vint l'histoire du Saint-Dominique. Un jour de pêche, au large de Rio, J.R. avait pris dans son filet l'ancre du bateau. Il enterra le bec dans son jardin. Quand le sculpteur Morabito, de passage, vit se dresser la verge d'acier taraudée par la mer et la rouille, il l'interpréta comme un signe. Morabito, qu'on appelle le Fada à Marseille, prit aussitôt cabanon au vallon des Ouffes. Et depuis ce temps, le pointu de J.R. est devenu le nouveau pont transbordeur entre le vallon des Ouffes et l'île de Morabito, l'ancienne île de Gaby. Vous la découvrez comment, vous, l'île Gaby ? La première fois que je l'ai vue, c'était en 70. Et là, j'avais vu cette petite île fortifiée. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une île quand j'habitais Nice. Et je m'étais renseigné et personne ne savait trouver. Les gens disaient « c'est un tombeau ». Imaginez investir un tombeau où aller, on n'a pas envie. Je n'ai plus pensé à cette île pendant 20 ans. Et il y a 6 ans, à Paris, il y a un agent immobilier qui me parle d'une maison sur l'eau, un petit fortin sur l'eau. Et il s'avère que c'était ça. Qui était à vendre avec une grotte, parce qu'il y a une très belle grotte à l'intérieur. C'est magnifique. Et l'eau rentre dans la grotte, c'est ça? L'eau rentre dans la grotte un peu comme la grotte Azur à Capri, sous la mer. Donc il faut faire une plongée pour rentrer dans la grotte. Et elle a la couleur émeraude. Quand le soleil arrive dans l'eau, il ne rentre pas directement dans la grotte, il arrive par la mer. Et vous, donc, quand vous avez cette idée, c'est quoi? C'est créer un atelier? C'est travailler là? C'est vivre là-bas? Là, on y va tout le temps. J'ai un atelier, on y vit l'été. On peut y aller pendant les tempêtes, c'est magnifique. C'est le seul bateau qui coule pas. Ah bon ? Vous êtes en pleine mer et vous subissez la tempête. Donc il y a les meurtrières qu'on a fermées avec des glaces très épaisses. On reçoit la mer en plein visage, comme dans un bateau. Mais vous êtes pied sec. Et vos sculptures ? Alors les sculptures, j'en ai immergé quelques-unes autour de l'île. J'en ai immergé une dans la fosse de Cassis à 182 mètres. Alors ça, ce sont des sculptures qui sont des sortes de pièces d'archéologie vouées à une recherche peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Donc ce sont des éléments de mes sculptures, des éléments fractales. Ma sculpture, c'est une sculpture mère. Cette sculpture, mère, pas mère de la mer, matriciale. De cette sculpture se dégagent des éléments. Ces éléments sont éclatés à divers endroits. Donc j'en ai placé sur l'Himalaya. Ça, c'est en altitude. Et puis, en sous-marin, il y a donc celle de Cassis. Et autour de l'île, j'ai mis quelques éléments qui vont se recouvrir de concrétion et vont devenir des... Mes sculptures sont très mathématiques, très minérales, mais pures, minimales. Elles vont se greffer de nouvelles substances, style des coquillages, des concrétions, etc., qui vont les transformer. Donc elles vont avoir un nouveau visage. Mais elles sont fabriquées. Elles sont en acier. En acier, certaines en bronze. Celle de Cassis est en bronze parce que ça, vraiment, je l'ai mis pour l'éternité et peut-être ce sera une pièce archéologique qui sera découverte dans des millénaires ou jamais, je ne sais pas. Et par contre, celles de l'île sont faites en acier. Et certaines en acier. Alors, l'acier, j'ai mis plusieurs aciers justement pour voir les différences de patine, etc. L'acier Corten est un acier qui ne s'oxyde qu'en surface. Donc c'est l'acier idéal parce que vous avez une couche protectrice qui est l'érosion. Et puis à l'intérieur, vous avez le cœur de l'acier qui est dur et qui reste, qui ne bouge plus. Alors on a fait déplacer une sculpture par hélicoptère et on l'a trempée dans l'eau de mer pour l'imprégner d'eau de mer et pour voir le vieillissement. Donc c'est une sculpture en acier Corten. Et celle-là, on l'a placée sur l'île. Et on l'a trempée avec un hélicoptère parce qu'elle pesait 2 tonnes. Et donc on s'est servi de ce moyen de transport. On l'a fait venir de Normandie. C'est le pyramidion de la sculpture. Ce pyramidion étant le sommet, la pyramide du sommet. Ah oui, c'est cette partie-là. Cet élément-là. Alors on en avait fait un qu'on a mis sur la sculpture matriciale et un élément éclaté qu'on a laissé sur l'île. Alors celui-là se corrode et s'use uniquement par les embruns, par extérieur. Et après, on vérifiera entre les oxydations d'une pièce à l'intérieur de l'eau et à l'extérieur, mais subissant les embruns, etc. Donc ce qui vous intéresse, c'est le travail du vent, de la mer. C'est surtout le travail d'érosion, de corrosion, qui transforme une pièce. Après, j'ai quelques petites pièces que j'ai laissées dans un endroit de l'île, uniquement par les embruns, par la pluie, etc. Et c'est cette érosion qui refabrique la sculpture, qui la transforme. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Vous nous avez dit que vous aviez mis du verre là, sur une meurtrière. Oui, on a rien touché à l'extérieur. Mmh. On a fait que réhabiliter le lieu. L'île, elle est où? Elle est située devant la pointe d'Andoum, là. Donc ici, pardon. Elle s'est appelée l'île de Dam au XVIIe siècle, après l'île de Dôme. Oui. Et après l'île de Gaby en 1914, elle a été achetée par des Marseillais, dont sa femme s'appelait Gaby de Laval, et elle a appelé l'île de Gaby. C'est devenu l'île de Gaby jusqu'à maintenant, c'est toujours l'île de Gaby. Mais on raconte que lui, il avait construit un tombeau, c'est ça, après ça. Effectivement, ouais, sur l'île, ils avaient construit, et c'est surtout elle, qui avait construit un tombeau pour se faire enterrer avec son mari. Son mari est mort le premier, il n'a pas été enterré sur l'île, il a été enterré au Père-Lachaise, et elle aussi. Donc le tombeau est resté désert, la croix est devenue un amer, c'était un point de repère pour les bateaux, car elle avait dédié cette croix aux pêcheurs de mer. Enfin, bien, c'était un peu... Une énorme croix qui se trouvait sur l'île. Mais je l'ai pas vu. Non, et qui n'existe plus. Donc cette croix est tombée il y a 2 ans. À notre grand bonheur, elle est tombée parce que les services phares et balises ne l'entretenaient plus. Elle appartenait symboliquement aux phares et balises. Et ça servait comme repère. On appelle ça un amer, c'est-à-dire les pêcheurs, quand ils calent leur filet, prennent des points de repère. Et cette croix était un amer, mais elle ne servait pas. Elle n'y est plus et elle manque au paysage, quoi, c'est évident. Elle représentait quoi pour vous? Je pense qu'elle devait surtout représenter un amer, un repère très très efficace pour les plongeurs qui devaient l'utiliser dans leurs alignements lorsqu'ils avaient trouvé un site. Et qu'aujourd'hui elle doit faire défaut. Et que nous avons des cartes renseignées par des plongeurs, qu'ils soient des plongeurs honnêtes ou des pirates, parce que nous avons aussi des cartes pirates, où un certain nombre d'épaves, de positions d'épaves, est localisée par rapport à des alignements dont certains passent par cette croix. Alors je vous avoue que ça peut poser un problème aujourd'hui si on doit rechercher, les épaves en question. C'est un hébergement à poissons, quoi. Dans l'eau, les poissons, il y en a partout. Il y a des poissons qui sont en pleine eau, il y a des poissons qui sont autour des rochers, il y a des poissons de surface, des poissons de fond. Enfin, donc quand il y a une épave, et qui est relativement ancienne, parce que bon, mais faut quand même qu'elle ait le temps de. Il y a toute une ambiance là-dessus. Il y a une partie faune, une partie flore, tout ça, ça vit en symbiose. Et puis bon, une fois, quand on va sur une épave, on a beaucoup de chance de trouver. Ces animaux, quoi, et ça fait partie d'une c'est une promenade. Nous, on fait que de la promenade, hein. on est là pour regarder, on est là pour explorer, pour regarder, mais en aucun cas toucher. Vous avez vos endroits où vous plongez, c'est ça? Ah, bon, on a des endroits, oui, on a des et endroits. Et c'est lesquels, vos endroits? Ouais, on parle du tombeau de Favouille, mais le tombeau de Favouille, c'est un site que nous on a appelé comme ça. C'est un tombeau qui se trouve à côté de Plagné. C'est pour nous, c'est un endroit qui est magique, quoi. À chaque fois qu'on va sur le tombeau de Favouille, on a toujours quelque chose à regarder. C'est un pic rocheux qui remonte jusqu'à 15 mètres sous la surface, hein. Ça s'appelle un sec. En langage plongeur, on appelle ça un sec. C'est-à-dire que on a un fond d'une quarantaine de mètres et il y a une remontée jusqu'à 15 mètres. Et ce pic rocheux, donc à 15 mètres, est rempli, mais vraiment rempli de gorgones. Et ça va de 15 mètres pratiquement jusqu'à 40 mètres non-stop. Alors vous imaginez, vous êtes sur un pic rocheux à 15 mètres sous l'eau, et là vous avez une vision jusqu'au fond, enfin quand il y a bonne visibilité, jusqu'à 40 mètres. Et ça, c'est rempli de gorgones, il y a une vie démoniaque là-dessus, c'est très très très bien. Il y a beaucoup beaucoup de poissons, il y a des antias, il y a des castagnoles, il y a des girafes, enfin, tous les poissons qui vivent sur ces tombons, mais qui sont très colorés, et il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a, bon, tous les bancs de sars, tous les bancs de. Éventuellement de saupes, il y a des loups qui viennent chasser, il y a tous ces trucs là, quoi. Énormément de corail, beaucoup de chapons, il y a des langoustes, enfin bon. Et je vous dis, à chaque fois qu'on fait une plongée sur ce tombant, eh ben c'est un régal pour les yeux, quoi. C'est vraiment plein de lumière, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie. Ben, on ne demande que ça. Pour nous, c'est. voyez, on l'a fini. Alors tous les matins, c'est ce que vous faites avec les filets? C'est le matin. Vous le matin. Vous êtes toujours occupé, quoi? Tous les matins. Ben, on s'occupe, c'est-à-dire qu'on les a abîmés, les filets, on les remet en état. Mmh. Quand c'est mauvais temps, on profite. Oui, c'est ça. Voilà, là, en principe, on a fini. Eh ben, c'est déjà, c'est fini. Voilà, à demain, je vais en prendre un autre en bas au Mathilde, ils sont sur le quai. Ben, je vois, allez-y. Ouais. Vous savez l'histoire de votre bateau que vous avez construit là? Celui que j'ai descendu dans Doum, un bateau que j'ai fait construire là en Doum. Là, en Doum. Et avant, il était là, le charpentier, vous voyez? Et il est parti, il est allé en haut en Doum. Alors j'ai commandé un bateau de 16 mètres. Il m'a dit, voilà, je vais faire tout le bateau pour pas venir au Vieux-Port faire des bricoles. Je finis tout ici. Bon, il m'a fait un bateau, c'est d'abord c'est le plus meilleur charpentier de Marseille, je le dis deux fois, parce que ce sont des champions de champions, pour les barquettes et pour les chalutiers. Les plus belles barquettes à Marseille, c'est eux qui les ont fait. Gué et Amadei, ils s'appellent. On a sorti le bateau là-haut, quand on l'a mis sur la remorque, le bateau il faisait une sacrée hauteur, ainsi que la cabine. Quand nous l'avons sorti, le premier coup qu'il a donné, c'est dans une fenêtre au premier étage. Les gens, ils dormaient, c'était 1h du matin. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu le bateau, ils ont entendu du bruit, ils se sont effrayés. Enfin bref, ça s'est rangé, qu'on a descendu la rue Chateaubriand. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait les fils téléphoniques, qu'ils étaient beaucoup plus bas que la cabine. Il a fallu, j'ai demandé l'autorisation à la ville, on a coupé tous les fils téléphoniques. Tous. Jusqu'à la place du 4 septembre. Quand on est arrivé à la place du 4 septembre, le maire Gaston Defer a dit demain j'enverrai de suite les voitures pour raccorder. Et quand nous avons monté le boulevard de la Corderie, qu'on est arrivé à la place de Saint-Victor, ça faisait un dos d'âne. Le bateau, il s'en est manqué 10 cm qui touchaient les fils à haute tension du bus. Alors j'avais mis il y avait quelqu'un en haut. Il criait tellement que le camion s'est arrêté juste à temps. Il a fallu aller à la rue Sénac, demander à la RATVM qui nous envoie les voitures ascenseurs qui relevaient les câbles. Bon, enfin finalement on a descendu. Et ouais, quand il est arrivé dans la rue Fort Notre-Dame, le bateau, il a été coincé parce qu'il était plus large que la rue. Et pour... Alors, on a détruit les maisons, alors? Ah non, non. Oh. On a remonté le bateau de l'autre côté. On l'a fait monter sur le trottoir de façon qu'il soit incliné. Enfin, finalement, nous l'avons descendu quai de Rive-Neuve. Après multiples manœuvres. Nous l'avons mis à la mer au bas de la Canebière. C'était 5h du matin. On a sablé le champagne, il pleuvait, pas fort, mais il pleuvait. Avec quel bois vous l'avez construit? Du nyangon, tout en acajou. Les membrures étaient en frêne et en frêne. Oh là là, une construction vraiment belle. Ça, c'est mon neveu et M. Berline. Ah. Regardez la tête qu'ils ont tous les deux. Oh putain. La tête est gagne, on arrive dans la mer. Tu as monté jusqu'à la jetée? Eh, au souffle, ce matin. Matin, c'était bonasse. Ouais, pardi. C'est bien à 10, c'était pas mauvais. Ouais. Mon neveu avec M. Roux. Ah. Pêcheur retraité. Qu'est-ce qu'un 50 ans de conneries? Voilà. Qu'est-ce que vous avez ramassé alors cette nuit? On a pris 7000 petits tons. C'est une sarre. Ouais, une poche. Il y avait Vanny? Non. Oui, Vendée, mais il n'y était pas. Pas dehors. Attends, non, il n'y était pas. Il y avait connu. Marc, là, il soufflait aujourd'hui. On souffre. On souffre, attends, on s'est pris une dérouille pour monter. Pour monter. Oh. Après, tu as monté à Stiboulin, tu as viré. Voilà, on a tiré à Stiboulin, on a viré, on est rentré dedans. Tu as tiré à Stiboulin, non? Non. Après, je suis sorti, on a marché 10 minutes en dehors de Stiboulin. On aurait pu aller chercher les bastards. Et après, on a tiré droit dedans. Allez, on s'en va. Nuit magnétique. Joseph Rossi, alias JR. J'encontre 6 journalistes au Provençal, Georges Sicoli, le douanier, Jérôme Pouchois, le plongeur, Luc Long, archéologue, Serge Rimenès, chercheur, Pascal Morabito, sculpteur, Laurent Champion, l'autre plongeur. Prise de son et mixage, Pierre Schwab, Olivier Dupré, Benjamin Perru. Réalisation Vincent Deck. Marseille, la cité mise à nu, une émission de Christine Delorme. Nuit magnétique, bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 janvier 1996. Sometimes you can see a forest growing. Kelp plants are growing.